Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. On se retrouve cette semaine pour un numéro un petit peu particulier puisque ce sera notre premier crossover et je reçois un invité donc cette semaine en la personne de Simon des Carencés. Simon, je te laisse te présenter. Bonjour, alors oui, je suis Simon, j'appartiens à l'équipe des Carencés, donc un podcast destiné à la cause animale, donc un podcast plutôt militant, plutôt vegan donc forcément. Je suis musicien, fan de métal, hardcore, tout ce genre de joyeuseté et je suis très content de pouvoir venir discuter avec toi aujourd'hui. Eh ben c'est super. Super cool. Alors en fait, le podcast cette semaine, donc ça va être un podcast thématique et on s'est penché sur la cause animale dans la musique. Alors on va faire un petit rappel d'abord, hein, puisque tout le monde n'est pas aussi familier que toi sur les différences entre vegan, végétarien, végétalien, etc. Petit rappel, donc les végétariens sont ceux qui ne mangent pas de viande, alors qu'on s'entende bien, hein, ni viande rouge, ni viande blanche, ni poisson. Souvent on fait l'erreur de proposer du poisson végétarien. Oui. Les végétaliens sont ceux qui ne mangent pas de produits d'origine animale, donc pas de lait non plus, ouais. Donc aucun produit laitier, hein, voilà. Ni œufs non plus, ni miel. Et enfin, les véganes, dont tu fais partie, oui. Qui étendent ça au mode de vie, en fait. Donc je te laisse détailler un petit peu ce que ça change par rapport au végétalien, peut-être. Oui, ce que ça change par rapport au végétalien, bah, tu vas rajouter toute une couche, bah, tout ce qui va être, par exemple, produits cosmétiques, des produits d'entretien, tous les produits qui ne vont pas être... comporter des composants d'origine animale, mais non plus qui n'ont pas été testés sur les animaux. Ça va aussi exclure tout ce qui est vestimentaire, donc le cuir, la laine, la soie. Et tu vas aussi exclure les loisirs qui nécessitent l'exploitation des animaux, donc les cirques, les zoos. Dès que ça implique l'exploitation d'un animal, on exclut ces consommations. Alors, petite question en mode Coupe du Monde, puisque c'est l'actualité, ouais. Les ballons de foot... Les ballons de foot actuellement, ils sont en cuir ou pas? Très bonne question. Je pense qu'ils sont toujours en cuir, hélas. Ouais, ouais, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit aussi tout à l'heure en regardant le match, tu vois, tout bêtement. Alors, comme tous nos auditeurs sont pas forcément très très très au courant de tout ce que sont les courants véganes, tu veux bien nous faire un petit historique rapide? Oui, on va faire la petite minute Wikipédia du coup, hein. Quand même pas à ce niveau-là, mais j'ai quand même été chercher quelques informations à gauche à droite. Le véganisme est un mouvement qui est quand même assez récent finalement, même si ça trouve ses racines dans des pratiques plutôt anciennes. On sait par exemple qu'il y a plusieurs populations en Inde qui auraient eu recours à des pratiques équivalentes aux alentours de l'an moins 3000, donc on peut pas vraiment dire que ce soit un gros effet de mode, c'est quelque chose qui trotte dans la tête de l'humanité dans certaines zones depuis un certain temps quand même si ce n'est pas vraiment pratiqué partout. Par contre, la Vegan Society, elle a été fondée, elle, en 1944 en Angleterre. Et en 48, la recherche a démontré déjà qu'un mode de vie vegan était adapté à partir du moment où une supplémentation en B12 était apportée dans l'alimentation de l'être humain. Même si à l'époque, la communauté a eu beaucoup de mal à accepter, donc la communauté vegan a vraiment eu du mal à accepter le fait qu'on soit obligé de se supplémenter en quelque chose, ils refusaient d'accepter ça, mais ça a pris quand même un certain temps à ce niveau-là. Mais déjà en 48, on avait la conscience scientifique que c'était un mode de vie qui pouvait être accepté assez facilement par notre organisme. Alors, on pourrait aussi citer quelques grands noms, donc l'antispécisme, qu'on détaillera probablement un petit peu plus loin dans l'émission, c'est une notion qui a été inventée en 1970 par le psychologue britannique Richard Rider. Peter Singer, lui, a publié un ouvrage intitulé Animal Liberation en 1975. Peter Singer fait un peu débat car il a poussé l'idée que des avancées plus welfaristes seraient les bienvenues en étant un peu en contradiction avec certains autres grands penseurs véganes qui considèrent que le réformisme conforte un petit peu l'exploitation animale en renforçant un cadre législatif autour de tout ça, et alors que le mouvement végan est quand même principalement abolitionniste. Personnellement, en tout cas avec les Carencés, on se positionne un petit peu, on va pas dire entre les deux, on est clairement abolitionniste, même si on essaye d'être plus pragmatique et de se dire que pour arriver à cette abolition, il va forcément falloir passer par des étapes intermédiaires qui vont rendre ça possible, donc il ne faut pas les considérer comme suffisantes ces réformes, mais on va quand même devoir passer par là, quoi. Donc ça, c'est un petit peu la position globale. Eh ben très bien. Donc déjà, c'est pour les auditeurs qui connaîtraient pas, si vous êtes intéressés par la question, là, on va surtout parler des artistes, oui. et de la musique. Mais si vous intéressez à cette question-là, n'hésitez pas à aller du côté des carencés. Hein, c'est un podcast super intéressant sur ces questions-là. Merci. Et qui a un point de vue assez politique surtout. Oui, et oui. C'est ce que j'apprécie bien chez, c'est vraiment ce que j'apprécie chez vous. Oui, on essaye vraiment de s'attaquer à tout ça, de pas juste parler de consumérisme, parler des foires véganes que tu peux trouver un peu partout. On essaye de rentrer un petit peu dans les sujets polémiques. Donc, ouais, c'est assez chouette. Alors, mais comme nous, on est une émission musicale, on va se pencher sur cette question-là, mais à l'intérieur du milieu de la musique. Et il y a en fait pas mal de musiciens qui se sont revendiqués vegan, ou alors qui en ont parlé en interview, ou alors même carrément avoir écrit des titres sur toutes ces questions-là. Et on va commencer avec un titre que vous connaissez sans doute, mais vous ignorez peut-être le sens véritable du texte, qui est le titre « I'll Stand By You » des Pretenders. You don't know what to do, nothing you confess could make me love you less. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So if you're mad. Alors c'était le titre I'll Stand By You des Pretenders. À savoir que donc la chanteuse qui s'appelle Chrissy Hynde a expliqué sur scène que ce morceau-là, que vous connaissez donc sans doute, hein, puisque c'est vraiment un gros tube, je pense que c'est dans les années 80, faudrait que je vérifie, ou début 90 peut-être, c'est une chanson en fait sur les droits des animaux, ce qui est assez bizarre, parce que quand on écoute le morceau, ça a l'air d'être une chanson vraiment romantique, et d'ailleurs quand on cherche des infos sur le net, on tombe la plupart du temps sur des gens qui disent « Ah, je ressens trop cette chanson, je pense à mon frère, je pense à ma compagne, etc. » Alors que, ben non, c'est une chanson en fait qui se veut antispéciste, et on reviendra sur le terme de l'antispécisme, comme tu disais en intro, on a une petite partie dédiée là-dessus. Ouais, Autre titre français cette fois-ci qui s'intéresse à la question animale avec Sanseverino, avec son titre André 2. La fourrure André n'aime pas ça, je ne supporte pas, je peux pas, tu serais pas un peu de gauche, lui dit Nicole. Alors là André il rigole, tu ne respectes pas mes choix, tu ne respectes pas mes droits, tu te crois beau avec ton kawaii. Alors là André il dit ouais. Puis en même temps qu'il dit ouais, il pense à gratte, puis il joue comme ça. Arrêtez de faire des manteaux avec la peau des animaux. Alors c'était le titre André 2 de Sanseverino, et je ne sais pas si lui est végétarien, vegan ou que sais-je encore, il en a en tout cas jamais vraiment parlé à ma connaissance, mais dans cette chanson-là, il s'attaque aux vêtements de fourrure avec pas mal d'humour, et puis aussi quelques phrases assez bien senties. Alors c'est un dialogue en fait entre le personnage d'André et sa femme qui s'achète des vêtements en fourrure, et lui dit donc notamment « Tu t'abstiendras de l'astrakhan, c'est des vêtements qui sentent le sang ». Ensuite on a « André est un garçon fragile, qui a des visions et des cauchemars de léopard, de grosses angoisses de zibeline, il voit des holocaustes d'hermine, un renard blanc et un oslo dépecé vivant, c'est très beau. S'il y en a qui faisaient des manteaux en peau d'humain. » C'est marrant ça quand même. Je connais pas du tout le morceau, mais ouais, ça sonne assez juste. Hein. Ouais, c'est un morceau assez rigolo. Là, je vais citer donc les dernières phrases de la chanson qui sont répétées. C'est « Arrêtez de faire des manteaux avec la peau des animaux », ça c'est le refrain. Et la fin, c'est « Castor, raton laveur, lapin coyote, pas besoin d'être mort pour être fort, d'être cruel pour être belle. Wow. » Je trouve ça pas mal. C'est pas mal du tout, même. Un joli morceau, ouais. Allez, Sanseverino, si tu connais pas, c'est un mec, notamment, alors ses deux premiers albums, je trouve qu'ils sont un peu à part. C'était des albums surtout centrés jazz manouche. Après, il s'en est éloigné. Actuellement, il est plutôt dans une période musique américaine, type country et tout ça. Donc, c'est un mec qui vagabonde pas mal dans les styles musicaux. Mais il le fait toujours avec beaucoup d'humour. Il a des textes super bien foutus dans lesquels il joue beaucoup avec les sonorités, les allitérations, etc. C'est vraiment bien fait. Et voilà, il y a ce morceau-là qui est assez marrant là, sur la question. Ouais, j'ai très une oreille là-dessus. J'ai noté une petite interview dans laquelle il a parlé de cette chanson, dans laquelle il dit, je cite, « J'ai voulu faire une chanson anti-fourrure, c'est quelque chose qui est en train de s'oublier. Il y a des pays froids où c'est dans la culture de se faire des manteaux de fourrure avec les animaux en question. Par contre, quand je vois quelqu'un ici avec un manteau de fourrure, je ne peux m'empêcher de voir des cadavres d'animaux. J'ai pas envie d'être copain avec Brigitte Bardot, ni elle, ni son mari. Mais c'est vrai que c'est une chose qui m'agresse. J'avais envie de dire ce que je ressens. Un petit engagement quand même, tu vois. Quand même. Alors, il y a un autre musicien très célèbre qui a embrassé la cause vegan, c'est Paul McCartney. C'est un chanteur qui est très, très, très engagé depuis longtemps dans la cause animale. D'ailleurs, ça fait quelques années déjà que tout ce qui se passe en backstage, donc toute la nourriture qui est destinée aux techniciens, aux musiciens en tournée, tout était obligatoirement vegan. Et il a même encore poussé le bouchon plus loin dans une de ses tournées l'année dernière, où carrément dans toutes les salles où il jouait, dans sa tournée aux États-Unis, la nourriture qui était servie au public était obligatoirement vegan sur toutes les dates. Donc là, on peut pas vraiment dire qu'il y a déjà eu une action plus forte que ça, je pense, lors d'une tournée d'un artiste pour promouvoir la cause, quoi. Ah, puis c'est courageux quand tu sais que t'as des réactions de rejet total sur la question du véganisme parfois. Ouais, c'est assez audacieux quand même. Mais ils ont fait quand même pas mal de sorties sur le sujet, c'est pas très très étonnant. Il en a parlé à nombreuses reprises, donc c'était vraiment un mouvement assez ballsy, comme on dit. Alors, pour pouvoir illustrer l'engagement de Paul McCartney, on va écouter un morceau qui s'appelle « Looking for Changes ». Looking for Changes de Paul McCartney. On avait fait il y a quelques semaines avec Tom un épisode sur les Smiths, et on peut pas passer à côté de l'album et notamment du titre des Smiths qui s'appelle Meat is Murder, dans lequel Morrissey, dit dans ses paroles notamment « And the flesh you so fancifully fry is not succulent, tasty or kind, it's death for no reason and death for no reason is murder. » Petite traduction pour les non-anglophones parmi vous. « Et la chair que tu cuis avec tant de désir n'est ni bonne, succulente ou agréable, c'est une mort sans raison et la mort sans raison est un meurtre. » Donc assez engagé, en plus c'est dans les années 80, donc c'est pas encore quelque chose... Tu parlais de mode tout à l'heure, aujourd'hui on en parle beaucoup plus facilement, internet ça a permis aussi une démocratisation de ces questions-là. Et c'était donc assez courageux. Et c'est un titre qui est super envoûtant, très lent, ponctué dans sa dernière partie par des bêlements et d'autres bruits d'animaux en fond. Et vraiment un morceau étonnant. Alors c'est parti pour Meat is Murder. And the flesh is so fancifully fried, it's not succulent, tasty or kind. It's death for no reason, and death for no reason. And the cart that you cart with a smile, it is murder. C'était Meat is Murder des Smiths. Et pour continuer, on va parler d'un artiste dans un genre encore un petit peu différent, qui est Moby. Pour sa part, est un musicien très engagé dans la cause animale, vegan depuis de nombreuses années également. Il ne rate pas une occasion d'aborder le sujet. Déjà en 96, il avait sorti un album qui s'intitulait Animal Rights, excusez du peu. Et il a illustré quand même aussi la cause animale dans plusieurs de ses morceaux. Il y a par exemple A Simple Love qui rassemble des séquences filmées dans des transports d'animaux, des élevages. Il y a aussi le morceau In This Cold Place, dans le clip est en fait un petit film d'animation où il n'hésite pas à utiliser au mieux d'autres images assez importantes, on va dire plutôt au niveau social. Il inclut aussi des images d'animaux mis à mort dans un abattoir, donc sur un air un petit peu comics, un petit peu des années 70, hein, animation des années 70, avec des animaux avec des grands sourires qui vont à l'abattoir comme ceux qu'on nous met dans les publicités. Donc ouais, il est assez dingue ce clip. Ouais, très très très bon clip. Elles sont des exemples parmi d'autres. Par exemple, il a récemment annoncé qu'il désirait arrêter de tourner pour se consacrer entre autres à la cause animale, et je pense qu'il a ouvert un restaurant dernièrement. See light that's hopeless and clearer than dawn. I've got no life, I've got no hope, I've got no will, I've got no... Petite anecdote perso du côté de Moby, je me souviens assez bien, c'est marrant, des fois on se souvient de détails qui ont l'air insignifiants. Je devais avoir 12 ou 13 ans et je me souviens avoir vu une interview de Moby qui était dans une bagnole pendant sa tournée et il mangeait dans un tupperware et la personne qui était avec lui posait la question de « mais qu'est-ce que vous mangez ?» etc. Et c'est la première fois que j'entendais dans ma vie le terme de « végétalien ». Et je me souviens d'avoir parlé avec mes parents qui connaissaient pas non plus en fait ce que c'était que le végétalisme. Ouais. C'est assez intéressant, c'est marrant de voir ça avec du recul maintenant. Ouais, ouais, ouais. Et on va tout doucement se rapprocher de notre sphère musicale de prédilection à tous les deux. Alors tu parlais de ton amour pour le punk et notamment le punk hardcore. Alors moi je viens aussi pas mal de tout ce qui est rock, metal, etc. Et donc là, niveau musicien, végétarien ou vegan, il y a qu'à se baisser. Alors petite liste non exhaustive bien entendu, hein. On a Devin Townsend de Strapping Young Lad, il est végétarien. Il y a deux membres de Lamb of God qui sont végétariens eux aussi. Le batteur de Cannibal Corpse, c'est quand même plutôt marrant pour un groupe qui s'appelle Cannibal Corpse, hein, est végétarien. Rob Zombie, le réalisateur aussi, qui avait réalisé de très très bons films, est vegan. Il y a un végé et un vegan chez Dillinger Escape Plan. Bref, c'est assez courant. Alors, c'est pas forcément présent dans les paroles, c'est juste qu'on sait que eux se sont déclarés comme végétariens ou vegan. Ouais, j'ai encore eu un exemple il y a deux semaines. Je vais découvrir un groupe comme ça en première partie de Being as an Ocean. Tu te rends compte en suivant un petit peu la page des mecs qu'il y a, je pense qu'il y a trois vegans dans le groupe et un végétarien. Ah ouais, ils abordent pas ça du tout dans les paroles du groupe. C'est le groupe Old Gibson, c'est un groupe du Pays de Galles. Ils abordent vraiment pas ça du tout dans les paroles, mais ils ont quand même fait une vidéo sur YouTube où ils déclarent le choix éthique que ça représente. Donc ils mettent ça en avant, mais pas dans les paroles du groupe qui reste plutôt concentré sur des choses plus sentimentales, etc. Donc ils arrivent quand même à ramener ça, certains artistes, même s'ils n'en parlent pas dans leurs morceaux, ils arrivent à ramener ça dans leur communication à un moment ou à un autre, donc ça reste quand même plutôt cool, quoi. C'est intéressant parce que je me demande si ces groupes dans lesquels on a beaucoup de véganes et de végétariens, souvent c'est pas parce que c'est des modes de vie, quoi. C'est vraiment des choix, c'est pas que de l'alimentation, c'est aussi une philosophie, une éthique. Oui, clairement. Et clairement. Je me demande si cette idée d'avoir des groupes qui comme ça accumulent dans leur line-up des végétariens ou des véganes, si c'est pas simplement parce que c'est compliqué, tu vois, de faire un groupe dans lequel tu vas avoir des personnes qui vont à l'encontre de ton éthique personnelle, tu sais. Ben là, carrément, ça a du sens quand tu vois que le groupe ici est en tournée, c'est un tout petit groupe et ils ont du mal à bouffer sur la route, par exemple. Ils ont posté un top post sur Twitter comme ça en expliquant si vous venez voir Old Dick Absence dans les prochains jours sur la tournée ici, s'il vous plaît, amenez-nous du brocoli parce que là, on en a marre de bouffer du pain tous les jours, quoi, tu vois. Et ça a lancé un mouvement. Donc, quand on était les voir, on leur a amené à manger aussi. Amené un petit peu de bouffe parce que bah, les mecs, on en parlait avec eux après le concert. Et c'est compliqué, vraiment, vraiment, vraiment compliqué pour eux de trouver de la nourriture. Alors oui, évidemment, quand t'es Dillinger Escape Plan, quand t'es Cannibal Corpse, tu dis ben je veux quelque chose à bouffer après mon concert. C'est facile quand t'as un petit groupe en tournée qui tourne dans ta petite camionnette et que tu dois te retrouver dans toutes des petites villes à jouer dans des clubs. Oui. Réussir à trouver quelque chose à manger après ton concert, c'est pas toujours évident. Donc c'est pas un choix de vie de facilité non plus. Je pense que la vie sur la route fait que tu as envie de partager ça avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, mais ça ajoute une complexité malgré tout. Ça ajoute une complexité sur tout ça, alors que la vie sur la route, c'est quand même déjà quelque chose d'assez chaud, quoi. Oui, surtout que tu en as touché là deux mots, mais il y a aussi une inégalité entre les villes et les endroits qui sont moins exposés, sûr, justement, à un arrivage de... Enfin, c'est tout bête, mais c'est plus facile de se sustenter en ville qu'en campagne quand on est vegan. Déjà, en étant végétarien, tu vois, c'est pas toujours facile. Alors, tu me diras, tu peux bouffer n'importe quel fruit, n'importe quel légume, mais tu peux trouver des trucs assez facilement en centre-ville. Ça passe, mais en étant vegan, j'imagine à peine, quoi. T'enlèves les œufs, le lait, tu retires énormément de choses, quoi. Et là, pour ceux qui n'auraient pas remarqué à mon accent, je suis belge et je peux te dire que se nourrir à Berlin ou à Paris, c'est quand même nettement plus facile qu'à Bruxelles, par exemple, toi. Ah oui? Donc, être en tournée, être dans une grande ville, c'est pas forcément pour ça que tu vas trouver quelque chose facilement non plus. Si tu n'es pas renseigné, t'as pas une dizaine de restaurants à Bruxelles, par exemple. Donc, si t'as pas une information, quelqu'un qui est venu te voir, qui t'a dit, bah, écoutez, vous pouvez aller là-bas, vous trouverez ce qu'il faut pour manger, c'est pas évident. Donc, je les imagine en tournée dans des petits pays, petites villes dans les pays de l'Est, des choses comme ça doit être chaud, ça doit être très très chaud. Ouais. Alors Simon, tu nous as préparé une petite sélection de titres dans lesquels on défend la cause animale, que ce soit dans le groupe en général ou alors dans les paroles en particulier. Ouais. Et on va commencer donc par un groupe de punk rock assez peu connu en France, bien que le titre soit passé dans les grandes périodes MTV et tout le tintouin, qui était donc Open Your Eyes du groupe Goldfinger. C'était le titre Open Your Eyes de Goldfinger, donc un tube au début des années 2000 qui a des paroles assez vagues en fait. Et un clip dans lequel on mélange les genres, il y a plusieurs thèmes en fait qui sont abordés liés à l'hypocrisie de la société américaine en général. Alors c'est surtout axé sur l'adultère, mais en même temps dans le clip il y a un passage où on montre la viande sur la table, etc., en montrant que c'est un animal vivant. Donc ils ont quand même réussi à glisser dans leur vidéo leur problématique, mais c'est pas un groupe que j'avais identifié à ce moment-là quand j'étais ado comme sur cette question-là. Or, c'est le cas. Alors, c'est pas un titre exceptionnel, hein, c'est pas un morceau super original, mais bon, ça a le mérite d'être conscient, et puis c'est radiophonique, donc du coup, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que ça permet de toucher un public assez large. Et d'ailleurs, les commentaires sur YouTube, c'est pas mal de personnes qui ont été touchées à l'époque, ça m'a vraiment étonné. Alors, sans doute, plus des anglophones, hein, du coup, qui ont pu saisir les subtilités. Probablement, ouais. Et assez intéressant de voir ça. Alors, on va continuer avec le groupe Propagandhi, donc des Canadiens, avec le morceau Potemkin City Limits. Just a warm and distant dream of his mother's loving eyes. Et donc c'était Propagandhi avec Potemkin City Limits, une chanson qui parle d'un porc qui avait fui l'abattoir dont il était captif et il s'était caché 3 mois avant d'être retrouvé après avoir ému un petit peu les locaux. Ça rappelle un petit peu d'ailleurs un événement qu'il y a eu en Hollande l'année dernière avec la vache Hermine qui avait fui, ouais, qui a même réussi à quand même à générer un crowdfunding, je ne sais plus ce que c'était une espèce de litchi, quelque chose comme ça, une cagnotte pour pouvoir sauver la vache. Probablement un petit peu rigolo. Les gens qui ont rempli cette cagnotte étaient sûrement des consommateurs de viande d'ailleurs, donc c'est toujours oui. Assez rigolo. D'ailleurs, il y a un truc marrant dans ces phénomènes-là, c'est que généralement, il suffit de mettre un prénom à un animal pour que, poum, ça éveille un peu les consciences, tu vois. On est carrément en train de couper court à la... C'est une discussion sur la chanson, mais j'ai vu dernièrement un truc qui était fantastique comme ça. C'est un souper bolognaise qui a été organisé pour récolter des fonds pour sauver une vache. Donc les gens... ils voyaient pas l'ironie. Et les gens, dans les commentaires, ne comprenaient pas où était le problème. Oh là là. Ils voyaient pas où était le problème de fait de la vache Marguerite, parce qu'elle avait un nom, allait être sauvée grâce à l'argent récolté en mangeant d'autres animaux. Et les gens ne voyaient pas où était le problème là-dedans. Ouais. Donc, il y a quand même une certaine dissonance à ce niveau-là. Et pour revenir à notre chanson de Propagandhi, donc, le porc ici, en fait, est mort après avoir été touché par une seringue hypodermique qui a percé un de ses organes. C'est pas vraiment merveilleux. Ouais, c'était censé le sauver et il s'est retrouvé mort d'une septicémie, quoi. Ouais. Là aussi, t'as une ironie que tu te dis pour le capturer, les seringues hypodermiques qui finissent par le tuer. C'est quand même moche. C'est étonnant. Et c'est pas le seul morceau engagé hein, dans la cause animale venant de ce groupe, où tous les membres sont véganes d'ailleurs, qui sont un très très gros soutien ainsi chez Pard. Même si leur fonds de commerce, c'est quand même plutôt la lutte sociale. Ils sont même classés comme étant des véganarchistes. Wow. Un groupe que j'apprécie particulièrement, personnellement. J'aime bien le terme véganarchiste, c'est marrant. Ouais, véganarchiste, ta claque. On va maintenant se pencher sur plusieurs groupes issus du punk hardcore. Oui. Alors le punk, c'est un mouvement qui donne souvent l'impression d'être un mouvement purement anarchiste, un peu à la Sex Pistols, mais il y a pas mal d'autres mouvances. Alors on va en évoquer notamment une qui est le mouvement Straight Edge, dans lequel en fait il y a un refus des drogues, de l'alcool, du sexe débridé, et pourtant ça reste brutal dans la forme, ça reste de la musique agressive. Oui, oui. Et souvent ça surprend en fait les personnes qui connaissent pas trop le punk, l'idée que ce soit un truc très engagé. En plus, tu sais, engagé pour des valeurs très morales, en fait. Oui, oui, clairement. Mais ce sont des groupes qui sont toujours plutôt tournés vers la gauche, hein, forcément. Mais, oui. parfois l'extrême gauche. Ça peut être problématique aussi quand on est parfois un petit peu trop à gauche. Mais Oui, c'est vraiment des groupes très très engagés, un public qui est très engagé. Les gens ont du mal à s'imaginer qu'à la base, un punk, c'est un végétarien déjà. Tu refuses un système, aller acheter ta barquette de viande qui provient d'un animal qu'on a enfermé, qui a été industrialisé pour être amené dans ton assiette. Ça ne correspond pas du tout à la philosophie même d'un punk à la base. Donc les punks majoritairement étaient végétariens dans les débuts. Et des grands groupes comme les Conflicts, les Dead Kennedys, les Damned dénonçaient l'élevage intensif des poulets, les mauvais traitements des animaux de boucherie. Crass, qui est un groupe anglais qui, dans les années 80, était très actif au sein du mouvement Animal Liberation Front, donc le Front de Libération des Animaux. Donc il y a quand même des groupes qui ont bien bien marché, qui ont quand même été actifs pour la cause. Il y a un autre groupe que tu m'avais suggéré qui est bien aussi dans cette idée-là, c'est le groupe Earth Crisis. C'est peut-être le plus grand d'ailleurs. Niveau straight edge, hardcore comme ça, il y a pas beaucoup de groupes qui peuvent se placer au-dessus de Earth Crisis. C'est un groupe qui défend profondément le mode de vie straight edge, donc le véganisme par extension, dans pas mal de leurs morceaux. C'est un des groupes majeurs du mouvement, vraiment. Dans le titre Out of the Cage, les paroles évoquent même la nécessité d'arrêter l'exploitation animale. Continue, fits of the clock, rushing forward. There's only moments of time to rescue them and to rescue. Follow the plan that I lined. The files dissolve. A rushing, smoking acid. Real guns and games. There, down to destruction. Rush through the land to set the prisoners free. Et donc là, c'était Earth Crisis avec le morceau Out of the Cage. Un autre titre du même groupe, qui est plus général par rapport aux aspects éthiques que le groupe voulait promouvoir. C'est un morceau qui s'appelle New Ethic, qui est un petit peu plus ancien, mais qui va nous permettre aussi de voir que le groupe, dès ses débuts, était très actif sur ce thème. Alors c'était le titre New Ethic de Earth Crisis, et donc c'est une chanson qui a pour thème l'antispécisme. On a déjà évoqué deux fois ce mot-là, donc est-ce que tu peux le définir un petit peu ? Oui, on peut définir ça assez rapidement. L'antispécisme, en fait, c'est le refus de hiérarchiser les êtres vivants, les animaux, en fonction de critères qui sont purement subjectifs. Donc c'est refuser de sauver des chiens tout en continuant à massacrer des cochons, de vraiment faire des échelles de valeurs. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, aux gens ici d'être fort critiques par rapport au marché qu'il y a pour le moment. Donc il y a la grande foire en Chine de la viande de chien. Donc c'est quelque chose qui choque énormément les gens ici, tout en mangeant leur tartine au jambon, qui ne leur pose absolument aucun souci. Donc l'antispécisme, ça va vraiment être de refuser de hiérarchiser les êtres vivants, tous les animaux humains et non humains, sur des critères totalement arbitraires. On ne veut pas les rendre égaux, nous ne sommes pas égaux. On ne doit pas avoir les mêmes droits, évidemment. On va pas donner aux animaux non humains le droit de vote, ce genre de choses. Ce que l'antispécisme veut mettre en avant, c'est le droit au même respect de la volonté de vivre, au même respect de la volonté de se reproduire, d'être libre. Donc respecter tous ces besoins primaires que les animaux non humains ont comme nous. Ah, d'ailleurs, en ce moment, j'ai commencé à lire le bouquin d'Emeric Caron qui s'appelle Antispécisme. Ouais. Et l'introduction est assez intéressante pour ça, par rapport à cette confusion que beaucoup de personnes font sur l'idée de oui, vous voulez donner les mêmes droits aux animaux et oui, vous voulez que la vie d'un animal, ce soit exactement la même vie qu'un être humain. Emeric Caron commence avec une introduction que je trouve assez intelligente, où il explique si moi demain je voyais quelqu'un en train de se noyer, je me pose pas la question de savoir est-ce que je l'aime bien, est-ce que je l'aime pas, je vais le sauver. Mmh. Tout. Ouais. Et il fait le parallèle avec la question animale, en se disant moi je vois simplement des animaux qui sont mis en danger, qui sont tués pour bouffer. Est-ce que je peux les sauver en simplement ne consommant rien de tout ça, en étant actif? Et il se pose pas la question de savoir s'il les aime, il pose juste la question de la vie, quoi. Mmh. Et je trouve que c'est une belle façon d'introduire, tu sais, parce que c'est toujours un peu difficile, les questions de même végétarien, juste végétarien de mon côté, c'est pas toujours marrant de discuter avec des personnes qui sont dans le refus total. Je trouve que c'est une image qui est assez intelligente et qui permet de ramener assez facilement aussi la conversation. Ouais, c'est un livre que j'ai lu juste après ma transition. Donc, j'étais encore fraîchement vegan quand j'ai lu ce livre, et il m'a aidé à mettre quand même des idées en place vraiment dans ma tête, à construire certaines choses. C'est un livre qui n'est pas parfait, mais qui a quand même le mérite d'aborder la question de façon assez générale, de différents aspects, et je trouve ça vraiment cool. Donc c'est un livre que je conseillerais pour des gens qui se posent des questions et qui essayent d'envisager de faire la transition. On revient à la musique, oui. Tu nous parles d'un de tes groupes préférés, je crois, Stick to Your Guns. Oui, ben c'est le top de mon top 3, un groupe de hardcore un petit peu métallisé quand même, grosse claque sur scène, et on va écouter le morceau Nothing You Can Do To Me. C'était donc le morceau Nothing You Can Do To Me de Stick To Your Guns. Alors c'est un morceau qui est vraiment beaucoup plus attirant que ce qu'on a entendu juste avant, parce que bon, on a une prod super moderne, oui, hein, oui. On a des grosses guitares, on a des gros sons de basse, on sent que c'est quelque chose de vraiment très propre. Il y a un refrain super catchy, juste ce qu'il faut. En revanche, c'est un sujet qui m'attire moins. Alors ça me semble un petit peu plus gentillé, parce que c'est la déclaration d'amour du chanteur à son chien. Et en fait, personnellement, je trouve que ça me semble infiniment moins polémique et surtout, du coup, moins courageux que de s'engager sur les questions des abattoirs et de l'industrie agroalimentaire, parce que simplement, bah, c'est quelque chose, tu sais, qui ramène beaucoup au quotidien, oui. En fait. Je trouve ça moins politique, en fait. Mais c'est un morceau qui est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord, parce qu'en fait, il parle de l'industrialisation des animaux dits de compagnie. Ça parle des animaux abandonnés, ça parle des combats de chiens, toutes les dérives qui sont liées à nos amis canins, qu'on a, comme tu dis, dans notre quotidien. Donc, c'est un morceau assez intéressant avec des phrases quand même assez forte, comme beaten and broken, thrown out with the garbage, donc battu, brisé, jeté avec les déchets. Just tell me why do you decide my right to life? Dis-moi juste pourquoi tu as le droit de décider de ma vie, de mon droit à la vie même. Just because I'm loyal doesn't mean that you owe me. Donc le fait que je sois loyal ne signifie pas que tu me possèdes. Donc finalement, ce sont des paroles très révélatrices de l'état d'esprit qui se dégage du morceau. Il parle pas juste de son chien à lui, même si forcément, quand il en parle en live, il met forcément très forçant en avant et dit que c'est morceau ben, sur son meilleur ami, celui qui ne l'a jamais laissé tomber, donc ça donne un petit côté un peu plus touchant, un petit peu plus personnel, mais les paroles du morceau sont quand même très très claires sur les rapports avec les animaux qu'on peut avoir. Alors tout à l'heure on parlait du fait que la scène hardcore en fait avait un ancrage politique qui du coup fait que c'est pas très très étonnant en fait sur cette scène-là de parler de cause végane. Mais il y a d'autres groupes dans la sphère métal qui ont écrit sur la question, et c'est le cas du groupe très connu Arch Enemy, qui a un morceau qui s'appelle Cruelty with Beauty. The torture chamber. C'était le groupe Arch Enemy avec le morceau Cruelty Without Beauty, je crois que je l'ai mal dit juste avant, qui a des paroles sur les tests en laboratoire sur des animaux. Et c'était déjà le cas d'ailleurs de Paul McCartney qu'on écoutait tout à l'heure. Alors, j'ai lu aussi que d'après un rapport de la Commission européenne en 2011, qui date de 2011, qu'il y avait 11 millions d'animaux qui avaient été tués dans des laboratoires européens. Il y a des animaux qui sont utilisés pour tester des médicaments, des vaccins, des OGM, d'autres joyeusetés, un petit peu comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la question ? Oui, c'est une question assez compliquée pour tout ce qui est cosmétique. Ben les véganes vont évidemment refuser tout produit qui est testé sur les animaux, ça c'est assez simple, hein, ou contenant des produits d'origine animale. Mais quand il s'agit des médicaments, ben là évidemment ça devient beaucoup plus compliqué, parce que t'es quand même obligé de recourir à des médicaments pour te soigner. Parfois t'as pas d'alternative que ceux qui sont testés sur les animaux, donc là ça devient vraiment un choix difficile. On va pas se laisser mourir. Le but du véganisme, c'est pas de se laisser mourir. Le but du véganisme, c'est de refuser tout produit issu de l'exploitation animale dont on peut se dispenser, qui n'est pas totalement obligatoire. Si tu vas mourir parce que tu ne prends pas un médicament qui a été testé sur les animaux, à un moment donné, tu es obligé de faire ce choix, même s'il est assez difficile. Donc le seul point d'attaque que les végans ont vraiment, en fait, pour lutter là-dessus, c'est de lutter pour que les protocoles de test sur les animaux soient remplacés le plus rapidement possible par les alternatives qui sont en train de bien apparaître un peu partout. Donc ça, c'est vraiment le point sur lequel on travaille le plus. Il y a des associations assez cool sur ce niveau-là. Animal Testing, par exemple, en France, qui fait pas mal de reportages sur les tests en laboratoire. Ouais, c'est quelque chose de très politique finalement. C'est quelque chose qui ressemble à c'est un lobby, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de ces groupes de pression, ouais, qui vont aller informer, ouais, des députés, etc. Et c'est intéressant parce qu'on a toujours l'idée que les lobbies c'est forcément le mal, etc. Alors que des lobbies, il y en a contre la cigarette, etc. qui ont fait des choses qui vont dans le bon sens. Donc oui, c'est un travail politique qui est vraiment intéressant. Alors on va passer à quelque chose d'assez différent, mmh, puisque comme tu es musicien toi-même, j'avais envie de te poser quelques questions justement en lien avec ton rapport entre la musique que tu pratiques et celle de ton véganisme. Première question que j'avais envie de te poser, tu es végane toi-même et c'est toi qui as préparé cette sélection. Est-ce que tu connaissais ces groupes-là avant ton véganisme? Et si tu ne les connaissais pas, est-ce que ça a pu être une inspiration pour toi ou est-ce que ça a plutôt en fait, été comme une forme de confirmation? Ma transition dans la sélection qu'on a eue, c'est Propagandhi, que je ne connaissais pas du tout, mais je connaissais tous les autres depuis un moment en fait, même la plupart sont des groupes que j'écoute depuis assez longtemps, par traîner depuis de nombreuses années dans les festivals hardcore, surtout quand tu traînes du côté de l'Allemagne, ça éveille assez rapidement au véganisme, c'est quelque chose qui est quand même assez en avant, même ici en Belgique on a eu pas mal de groupes avec des membres qui étaient straight edge, donc qui se traînaient et se promenaient avec leur croix sur la main au concert, donc ça pose des questions dans ta tête, tu t'interroges à ce niveau-là, tu cherches un petit peu. Donc c'est quelque chose qui a toujours traîné un petit peu autour de moi. Tous ces groupes-là sont des groupes que je connaissais, des groupes comme Evolution Burn, ce genre de groupes sont des groupes qui ont toujours traîné dans mes écoutes. Ouais. Mais en Allemagne, ouais, tu trouves beaucoup plus de groupes engagés. Tu trouves aussi de la nourriture végane sur tous les festivals hardcore, etc. depuis plus de 10 ans, donc ça m'a jamais surpris d'aller au Summer Blast du côté de Trèves. Tu te retrouves là-bas, la bouffe végane, c'est même la bouffe principale. Tu vois, ils font une espèce de grand wok végane. Et tout le monde peut manger, c'est ça l'avantage avec la bouffe végane, c'est que ça convient à tout le monde. Ça convient à tout le monde peut manger. T'as des parts de pizza dégueulasses qui traînent sur le côté avec du fromage, où personne va les manger, tout le monde vient manger le wok végane, parce que ça fait partie de leur culture et c'est normal, quoi. Le public de ces groupes-là, est-ce qu'il est globalement en phase avec cette idéologie végane ou est-ce qu'il considère plutôt la musique avant de s'intéresser au fond idéologique qu'il peut y avoir dans les paroles? La musique pour la musique, est-ce qu'on sent pas vraiment sur les paroles? Tu peux même citer un autre exemple, c'est tout ce qui est groupe plutôt catholique. Enfin, moi, j'ai écouté du Hezale Dying. À un moment donné, les paroles sont quand même fort catho. Tu n'y prêtes pas forcément attention, il y a des morceaux que tu aimes bien, tu n'écoutes pas forcément les paroles, surtout dans le métal où parfois les voix sont fort saturées, tu comprends pas forcément tout ce qui est dit si tu n'y prêtes pas vraiment attention, si tu sors pas le bouquin, enfin le petit booklet avec les paroles pour essayer de creuser, tu sais pas vraiment de quoi ça parle, donc je pense que la plupart des gens ne s'en rendent pas forcément compte, sauf quand t'as des titres qui sont un Meat Is Murder de Smith tantôt, forcément ça parle forcément, mais des choses plus caché dans un titre ne passeront pas. Donc je suis assez pessimiste sur la question. Par contre, c'est sûr que c'est l'endroit où tu retrouves proportionnellement le plus de véganes. Et à l'inverse, dans les actions et associations véganes, on se retrouve souvent entre métalleux ou coreux. On a fait la marche pour les abattoirs à Bruxelles il y a 2 semaines, 3 semaines. On s'est tous retrouvés assis, on était en cercle, on était une vingtaine. Je pense qu'on était plus d'une dizaine à écouter les mêmes groupes, quoi. Ouais, être des métalleux et des coreux. Donc c'est là qu'on retrouve quand même pas mal de gens sensibles à la cause. Je sais pas à quoi c'est dû. Et c'est aussi le courant musical dans lequel le sujet est le plus souvent abordé, à ma connaissance, hein, dans les paroles. Donc j'imagine qu'il y a une ouverture qui se crée à ce niveau-là. Je suis pas sûr que tu viens vers un groupe toujours pour le fait qu'il défend la cause. Propagandhi, par exemple, moi je suis venu vers eux parce que je cherchais des groupes qui étaient fort engagés, donc c'est comme ça que je suis tombé sur eux. Mais les groupes, finalement, sont venus à moi pour la musique au départ. I'm trying to t'es musicien, t'es chanteur, et je me demandais si t'écrivais toi-même sur cette question-là. Dans mon groupe précédent, j'ai eu pas mal de titres basés sur la cause animale, en effet, mais avant ma transition, j'étais dans d'autres groupes où là, forcément, c'est un sujet que je n'abordais pas. Mais si, dans mon dernier projet, oui, j'ai eu pas mal de morceaux qui en parlaient. Il y a tant à dire, tant à faire, enfin, ça me semblait inévitable de le faire. C'est quelque chose qui touche ta vie, c'est quelque chose à laquelle tu penses tous les jours. Enfin, il n'y a pas un jour où tu penses pas à ça. Il n'y a pas un jour où t'as pas une vérité qui te saute aux yeux, une nouvelle vérité qui explose quelque part, de rencontrer des nouvelles personnes, voir des choses choquantes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment tout le temps dans notre tête. On a envie de partager ça et la musique me semblait vraiment un bon moyen de canaliser tout ça. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez compliqué quand t'as envie de défendre des valeurs fortes dans tes paroles, mais sans avoir les gens derrière toi sur scène pour les soutenir. On en parlait un petit peu tout à l'heure en parlant d'Oldie Gamsons, le fait que eux, voilà, sur la route, ils étaient tous ensemble vegan et que ça leur compliquait la vie, mais qu'en même temps c'était t'avais envie de vivre sur la route avec des gens qui ont les mêmes valeurs que toi. Mais même quand tu ne prends pas la route pour faire des grandes tournées, quand t'as des paroles qui sont fortes, qui t'engagent sur un sujet, mais ça peut compter pour le véganisme comme ça peut compter sur plein d'autres choses. Si t'es engagé dans le féminisme, sujet sur lequel j'ai quand même pas mal parlé aussi, ou sur d'autres problèmes sociaux, sur lutter contre le fascisme, lutter contre l'homophobie, quand ce sont des sujets que tu traites, mais que t'as des gens derrière toi qui vont faire des petites blagues sans s'en rendre compte, des petites blagues homophobes, des petites blagues sexistes, c'est compliqué de te retourner, de regarder ces gens-là et de te dire « ouais, on est vraiment dans le même groupe, quoi ». Donc c'est vraiment compliqué, et je comprends pourquoi les groupes qui sont vraiment véganes sont généralement composés uniquement de musiciens véganes ou végétariens. Ben là, on parle d'Holding Absence, on parlait tantôt de Propagandhi, et il y a beaucoup d'autres groupes où il y a pas mal de musiciens qui sont véganes dans le groupe, quasiment la majorité généralement. Bah déjà, quand tu parles de, ne serait-ce qu'en utilisant le terme groupe, ça veut dire que du coup, tu assumes aussi une parole qui est une parole collective. Ce qui fait que si la parole collective n'est pas uniforme sur certains sujets, elle est sabordée, elle a plus de valeur. C'était les miennes. C'est un peu comme, enfin, t'as un groupe, t'as un chanteur qui va parler de sa copine. Tu dis oui, mais ça n'engage que lui, ça. Toi, tu peux réfléchir comme ça, tu peux dire oui, mais quand eux ils parlent de leur copine, sa copine qui l'a quitté, il est malheureux, la copine elle a pas quitté tous les membres du groupe et il en parle, pourquoi moi je pourrais pas parler d'un truc qui me touche uniquement? c'est vraiment une question que je me suis posée quand j'ai commencé à aborder le sujet. Je me suis dit oui, ben voilà, enfin c'est mon truc, eux ils parlent avec les, ils s'expriment avec leur musique, moi je m'exprime avec les paroles, donc moi je vais dire aussi ce que je ressens. Et tu peux le faire dans des textes. Par contre, quand tu aimes parler entre les morceaux sur scène, tu as envie de partager. On avait un morceau sur, par exemple, c'est tout bête, mais on avait un morceau sur le transport d'animaux. Ben, tu vas aborder le sujet, mais en concert, tu vas dire, ben voilà, moi, j'ai envie d'avoir une pensée, une minute, pendant que vous étiez sur la route pour venir faire la fête ici avec nous. Ben, il y avait des animaux qui étaient entassés dans un camion en route vers un abattoir, donc j'aimerais bien qu'on les oublie pas. Tu vas dire ça. Ça n'engage que toi, mais en même temps, il y a trois mecs derrière toi qui partagent pas forcément ton avis. Tu vois, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, voilà. C'est la question entre la différence entre la forme et le fond. C'est-à-dire que quand tu prenais l'exemple de la compagne du chanteur et la chanson d'amour, etc., ou la chanson de rupture, peu importe. Voilà. Là, t'es sur des expériences personnelles, ça n'engage finalement que la personne qui les dit. Alors que quand t'es sur un engagement politique, c'est pire. Il vaut mieux qu'on soit sur même la les même autres ligne et pas toi, parce en fait. c'est les autres qui sont derrière toi que tu montres du doigt plutôt que. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Et comme ce sont des engagements éthiques, ils sont par extension des engagements politiques. Donc c'est en ça que c'est indissociable de l'esprit du groupe. Alors du coup, tu parlais du fait que tu pouvais évoquer ce genre de questions sur scène, et est-ce que tu as déjà eu des expériences de personnes qui témoignent de l'influence de la musique que tu leur as apportée sur leur mode de vie ou sur leur régime alimentaire? Donc des personnes qui viendraient te voir en disant « Waouh, c'était super intéressant et ça m'a remis en question, tiens, je voudrais bien évoluer vers végétarisme, véganisme ou autre chose ». Avec le dernier groupe que j'ai eu, on n'a pas eu l'occasion de faire énormément de dates avant que... que ça se termine avec eux, mais lors du tout dernier concert que j'ai eu avec eux, il y a une personne qui est venue me voir à la fin du concert pour me dire que les morceaux sur la cause animale l'avaient touché. Donc c'était déjà c'était un moment qui m'a beaucoup plu. C'est cool. Mais surtout, c'est un grand graillard fraîchement végétarien qui vient près de moi, qui me dit « Là, j'aimerais bien transitionner vers le véganisme. C'est compliqué. » Il avait plein de questions. Alors, on est resté une heure là à parler juste tous les deux. J'ai essayé de le rassurer un petit peu, lui donner des conseils, le guider. Enfin, c'était la concrétisation de ce que je venais d'essayer de partager, d'avoir quelqu'un qui vient t'en parler, qui vient te poser des questions, qui vient te chercher pour avoir de l'information. C'était vraiment quelque chose de très très très agréable. Et moi qui fais de la sensibilisation de rue, ça m'a vraiment plu de pouvoir faire ça dans le milieu de la musique. J'ai ramené la musique et cette sensibilisation, quelque chose qui est très important pour moi dans un même événement. Donc c'était très très très chouette. J'espère avoir d'autres occasions de le refaire. Ça doit être un beau moment, une belle expérience. Ouais. Est-ce que tu penses que la musique en elle-même, c'est une bonne manière de sensibiliser justement sur cette question des droits des animaux ? Oui, je pense que si une personne est vraiment fan d'un groupe et rentre à fond dans les paroles, ça va doucement rentrer dans sa tête, cette idée va s'implanter tout doucement dans son cerveau, même si parfois, de nouveau, on chante des refrains sans forcément savoir à quoi ils font allusion. On avait le morceau I'll Stand By Me qui était au début de l'épisode ici, que les gens ont chanté à tue-tête pendant des centaines de concerts sans comprendre de quoi ça parlait. Oui. Donc c'est parfois compliqué, mais quand t'as des morceaux qui sont très très clairs sur le sujet, j'imagine qu'à force de les lire, à force de les écouter, à force de les entendre, ça va quand même tout doucement te rentrer dans la tête, donc c'est pas une mauvaise façon. Je sais pas si c'est une bonne façon, mais c'est certainement pas une mauvaise façon en tout cas. C'est une des nombreuses façons et qui, voilà. Tout entre elles s'imbrique et voilà, ça peut pas être une mauvaise chose, je pense. Il faut vraiment que ce soit une... C'est vraiment la multitude des angles sur lesquels la question va rentrer dans la tête des gens. Qui va pouvoir faire ça, c'est de voir des images d'un abattoir au journal télévisé, d'écouter les paroles d'un groupe, de voir des gens qui sensibilisent dans la rue, c'est de voir tout ce genre de choses quotidiennement, assez régulièrement, qui vont pouvoir rentrer dans la tête des gens. Donc ce serait dommage de se passer de ce canal de communication qui seul ne fera pas avancer les choses. Aucun canal seul ne fera jamais avancer les choses. Donc être là, présent dans tous les canaux, avec les documentaires, avec les reportages, avec les dénonciations, la sensibilisation, toutes ces choses mises ensemble font que le mouvement avance et que les gens considèrent comme un effet de mode. Je pense que c'est plutôt cette multitude de canaux de communication qui sont envahis et qui permettent d'atteindre de plus en plus de gens qui commencent à se dire s'il y a autant de monde autour de moi qui en parle, à un moment donné, il faut que je me penche dessus, je peux pas juste fermer les yeux et me dire que je peux rien y faire. Oui, bien et sûr. Je pense qu'on passe au-dessus de l'hypocrisie grâce à ça. Le fait, la multitude d'opportunités de s'informer aide vraiment quelque chose. Donc je pense que finalement, ça peut quand même être très important. On va revenir sur une association dont tu as parlé au début de l'épisode, qui est donc Sea Shepherd. Je sais que tu es un militant, que tu es bénévole pour eux. Et avant de se quitter, je te propose d'écouter un extrait d'un groupe qui est apparemment assez impliqué auprès de cette association, qui est le groupe Architect, et que j'ai redécouvert suite à un événement qui a eu lieu au cours d'un de leurs concerts. À savoir que le chanteur Sam Carter avait dénoncé une agression sexuelle au cours d'un slam. Une femme avait été attouchée par un ou des gars du public. Et le chanteur Sam Carter, à cette occasion, avait arrêté le concert et avait dénoncé donc cette agression. Et on avait fait tout un discours dessus. Et ça avait pas mal tourné sur le web. J'imagine que tu t'en souviens, que tu connais l'événement. Oui, c'est vraiment une image qui a pas mal tourné, même dans la presse généraliste. On a vu des images comme ça sur pas mal de sites d'information en Belgique. Je pense qu'en France aussi, ça a pas mal tourné. Donc, un mec qui avait touché, je sais pas quelle partie du corps féminin, il avait touché de la jeune femme qui était en train de slammer. Et le chanteur, ça s'arrête à ce moment-là. Il explique qu'il a réfléchi pendant la fin du morceau pour savoir s'il allait réagir ou pas et que ça suffit, il peut plus garder ça en tête, il est obligé de partager le fait. Et donc sans montrer le coupable du doigt directement, même si tout le monde s'est retourné vers la personne, c'est très malin, mais tout le monde s'est retourné vers lui, tout le monde savait qui c'était et il n'a pas ciblé la personne, mais il l'a pris à partie de façon assez, assez véhémente et qui a été fort, fort acclamé par le public. Donc c'était vachement chouette. Un chouette moment qui montre bien voilà, que la convergence des luttes fait aussi, c'est quelque chose aussi qui fait partie du mouvement vegan. Quand tu commences à t'intéresser un petit peu à la cause animale, ben, le féminisme, les problèmes sociaux, la lutte contre l'homophobie, le racisme sont des choses aussi qui vont généralement de pair. On est généralement assez vite touché par ce genre de choses. C'est pas une généralité, évidemment, mais plus je rencontre de vegans, plus je rencontre de gens qui sont également touchés par ça et en train de s'ouvrir à ça, parce que quand on veut justement faire de l'antispécisme, l'humain rentre dans cet antispécisme et donc on refuse de faire des classements, de la hiérarchie en fonction de la couleur, d'un sexe, d'une orientation sexuelle, d'une religion. Donc ouais, forcément, ça mène à ça. Donc architecte, j'ai oublié de signaler qu'il est également dans mon top 3. Je ne sais pas s'ils sont deuxième ou troisième, j'hésite. Juste derrière Stick to Your Guns. Mais c'est un groupe très très très important. Je porte un t-shirt architecte en ce moment d'ailleurs. Tu ne le vois pas là tout de suite, mais je porte un t-shirt architecte en ce moment. Et c'est en effet un des plus gros soutiens de Sea Shepherd. Vraiment gros gros gros soutien. À chaque fois qu'ils ont un concert, tu as toujours un tabling Sea Shepherd qui est organisé à leur concert. Peu importe où ça se passe. Et l'intégralité des membres est d'ailleurs vegan. Et le morceau qu'on va écouter en fait parle des massacres perpétrés contre les mammifères marins en général, que ce soit la chasse à la baleine pratiquée illégalement par le gouvernement japonais, malgré l'interdiction de la communauté internationale qui refuse de prendre des mesures. Et ce morceau parle également et principalement des grinds qui sont organisés dans les îles Féroé, donc ce sont des îles qui appartiennent au Danemark, et où des bateaux redirigent des centaines de dauphins en migration vers une plage où la population locale les massacre à grands coups de machette en fait. C'est un bain de sang incroyable, c'est quelque chose qui se passe au moins une fois par an, mais je pense que c'est même deux fois par an que cette migration se déroule. Donc ils vont aller s'échouer sur cette plage où en famille, la population locale se rend avec des machettes massacrer tous ces animaux. Et il y a d'ailleurs un groupe qui jouait ce week-end au Grass Pop, un groupe qui est issu des îles Féroé, le groupe c'est TYR, donc T-Y-R, qui eux revendiquent leur droit à pratiquer ces grinds. Donc ils sont en gros gros conflit avec Sea Shepherd forcément. C'est assez compliqué. Ouais, ça doit donner une grosse ambiance sur les festivals avec quand tu as Architects d'un côté et ce groupe-là ouais, de l'autre. Ouais. Il y avait des tonnes de groupes, il y avait Parkway Drive qui jouait ce week-end, qui sont aussi quand même un bon soutien de Sea Shepherd. Enfin, Sea Shepherd maintenant, ils ont vraiment du soutien d'énormément d'artistes, des artistes comme Trio, des artistes comme Gojira, enfin Evan Shulburn qu'on n'a pas diffusé dans cet épisode, mais qu'on pourrait largement intégrer quelque part, qui ont aussi des morceaux fort engagés sur la cause animale. Ben, j'ai été faire un tabling pour eux, un concert à l'ancienne Belgique à Bruxelles pour Sea Shepherd justement, parce que ce sont tous des groupes qui vont nous inviter. T'as Inyite aussi, groupe hardcore, punk hardcore comme ça, californien, donc tous des groupes qui sont des gros gros soutiens à Sea Shepherd, qui les invitent à tous leurs concerts pour pouvoir un peu promouvoir l'association. Donc c'est très très chouette d'avoir tout ce soutien. Et le morceau ici qui parle un petit peu de toutes ces actions, d'ailleurs généralement Sam Carter mentionne Sea Shepherd juste avant de commencer ce morceau c'est The Devil Is Near. Et donc c'était Architect avec le morceau The Devil Is Near. Et pour rester dans l'information par rapport aux animaux marins, aux mammifères marins, je conseille aux auditeurs de cette émission de se pencher sur le documentaire Blackfish, qui est un documentaire très très très impressionnant sur les orques en captivité à SeaWorld, donc en Californie, en Floride. Sur l'orque principalement Tillicum, qui sont des orques enfermés dans des parcs aquatiques qui sont absolument pas aux normes, pour peu qu'on peut imaginer qu'il y ait des normes pour maintenir des animaux aussi volumineux, aussi volumineux, qui vivent en société, aussi intelligents dans des aquariums. Aucun parc ne pourra jamais avoir les caractéristiques nécessaires pour faire ça. Ah oui, il faudra par exemple un océan, c'est cool. Mais ce documentaire est très très impressionnant. Il met en avant l'intelligence et la détresse de ces animaux. C'est vraiment un documentaire qui nous a beaucoup émus. Donc je conseille très très clairement ce documentaire aux auditeurs. Merci pour cette recommandation de documentaire. Je vais aussi te remercier simplement d'avoir accepté mon invitation. C'était tellement bien. Eh ben, je suis ravi de t'avoir eu avec nous. C'était vraiment très intéressant de pouvoir parler de toutes ces questions-là. Et donc, je fais un petit rappel pour ceux qui se sont intéressés à cette question. Peut-être que vous ne connaissiez pas véritablement ces problématiques véganes. Donc, pour ça, je vous rappelle, si vous avez envie de vous documenter davantage, le podcast idéal, c'est celui des Carencés, dont tu fais partie. Oui. Et donc, n'hésitez pas à les retrouver. Alors, je sais pas, votre rythme de parution, c'est... Normalement, c'est un épisode par mois. On s'est un petit peu calmé, là... Après le retour des LVG World, on devrait reprendre assez rapidement avec notre rythme habituel. Eh bien, très bien. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Vous allez chercher tout ça et vous verrez, c'est un milieu et des problématiques qui sont vraiment très, très, très intéressantes et très enrichissantes. Et ne soyez pas inquiétés, c'est pas un podcast consumériste. On va vous parler des dernières tendances, des derniers salons. C'est vraiment aborder des questions importantes, des questions de fond. Remettre en question parfois aussi le militantisme, la façon dont il est fait. Le militantisme vegan est loin d'être parfait et il faut pouvoir parfois prendre du recul et critiquer aussi ce que nous on fait. C'est bien de critiquer ce que les autres font, mais c'est bien de pouvoir prendre du recul, se rendre compte quand nos arguments sont datés, ne sont pas corrects et ne sont pas efficaces. Donc c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de mettre en avant, par exemple tout ce qui concerne le saccage des vitrines dont on parlait en off un petit peu avant. C'est quelque chose que nous condamnons parce que c'est quelque chose qui ne fera jamais avancer, qui ne fera jamais avancer la cause, qui ne fera jamais avancer les esprits des gens. C'est complètement contre-productif. On a vraiment envie d'aider les gens à trouver la réponse, parce qu'on ne fera jamais changer les gens de force, à part faire passer une loi qui leur interdit d'acheter certains produits. On ne pourra jamais avancer autrement. Et donc, notre point de vue, c'est vraiment d'aider les gens à trouver l'information quand ils en auront besoin, parce que ce sont les gens eux-mêmes qui vont pouvoir se changer. Il faut juste être là avec les réponses quand ils auront les questions. Vous êtes finalement comme une association d'éducation populaire, et c'est ce que j'aime beaucoup chez vous. Comme elle 214. C'est bien vrai. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Twitter @écoute-ça, ECOUTE-CA, sans accent ni cédille. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous envoyer un mail pour faire part de vos retours, écoute-sapodcast@gmail.com, et nous retrouver sur les sites habituels, iTunes avec son système d'étoiles, et sur Podmust où vous cliquez sur une petite flèche pour nous aider au référencement, parce que, je le répète encore une fois, mais avec notre nom tout pourri, c'est quand même ce qui nous aide le plus, sans compter que, bon, évidemment, ce que je préfère, c'est le bouche à oreille, vous l'aurez compris. Simon, je te laisse faire également les petites recommandations d'usage avant de se quitter. Ah ouais, pour nous, c'est les Carencés, on est disponible sur iTunes, sur toutes les applications Android, on est disponible sur Twitter, Facebook, tout simplement les Carences en un mot, au pluriel. On a notre site lescarences.fr où vous pourrez retrouver tous les épisodes. Si vous ne savez pas comment nous écouter, tout est indiqué sur le site. On essaie vraiment d'être disponible pour tout le monde. Et à titre personnel, vous pouvez me retrouver sur Twitter également, avec mon nom ou en utilisant mon pseudo qui est Lemaune, donc L-E-M-A-U-N-E, tout simplement. Et je voulais encore te remercier une fois pour l'invitation. Moi, je t'en prie, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté. C'était vraiment un plaisir d'être là, d'être de l'autre côté, du micro, de ne pas juste être du côté des écouteurs. C'était vraiment, vraiment très sympa. Encore merci pour l'invitation, c'était vraiment très intéressant de parler de tout ça. Eh bien, écoute, très bien. Eh bien, chers auditeurs, à très bientôt. J'espère que vous en aurez tiré de très, très bonnes choses. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!